coup, on va enchaîner avec Gilles et ouais. Ton Kiki l'a vu. Ok. Alors, je t'en prie, de qui s'agit-il aujourd'hui? Donc, de quel film? Alors, il s'agit de Diesel, un film français de Robert Kramer, sorti le 5 août 1985. Vous allez donc pouvoir faire le plein de culture avec ce nouveau Kiki l'a vu. Et d'ailleurs, Kiki l'a vu? Ah non, pas moi. Moi, je sais pas, mais c'est super. Ok, donc alors, l'histoire, en quelques mots, ça se passe dans une société futuriste. Une jeune femme, Anna, est témoin d'un meurtre, forcément repéré, sinon il n'y aurait pas de film. La voilà prise en chasse par de méchants tueurs. Petit extrait pour situer. Oh. On est chez Amadeus, Walter. Chez Amadeus? Qu'est-ce que tu fous chez ce salaud, hein? T'as déjà oublié qu'il nous avait trahis? Trahi, il a pas trahi, il a choisi d'aller vivre dans le bled, c'est tout. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, Zibert? Tu me trahis, toi aussi? Je suis ton ami, Walter. Pourquoi je te trahirais? Alors ramène-moi cette fille, tout de suite! On cherche, Walter, on cherche. Et c'est pas facile, crois-moi. Tout est pourri ici. Tiens. Même moi, je pourris, Walter. Ramène-moi cette fille tout de suite, Zibert. Sans ça, t'auras même pas le temps de pourrir. Alors, que doit-on penser? À ceux qui croient que la carrière de Gérard Klein, qui est effectivement la vedette du film, se limite au personnage de Victor Nova dans la série L'Instit, l'erreur est suprême. Le comédien a à son actif moult longs métrages et pas des moindres, tels La Passante du Sans Souci de Jacques Rouffio en 82, pour lequel il reçoit une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle, Train d'enfer de Roger Hanin et Parking de Jacques Demy en 85, Sans peur et sans reproche de Gérard Jugnot en 80, Frantic de Polanski en 88 et plus récemment 600 kilos d'or pur par le sous-estimé Éric Bénard, soit un joli palmarès. Une quinzaine de films en tout et quasiment que des bides. Alors pourquoi? En fait, Gérard Klein, mais oui, le pauvre. Il a fait des bons films, mais ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché, mais ça arrive hein, finalement. Donc Gérard Klein, en fait, est le seul acteur au monde qui ne supporte pas qu'on le regarde jouer. Oui, c'est un scoop encore un que je vous offre, même si tout le monde s'en fout. Ayant eu l'honneur de participer un jour à un tournage de l'Instit, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il fallait tourner le dos à l'acteur lors de chaque prise. Oui, et là, on assiste à des scènes surréalistes, mais oui. Si le metteur en scène est derrière son combo et le cadreur derrière sa caméra, évidemment, tout le reste de l'équipe, en revanche, tourne le dos au protagoniste et regardent leurs pieds ou leurs montres dans l'attente que ça se passe. Belle ambiance. Il faut vraiment le voir pour le croire. Gérard Klein donc n'aime pas qu'on le regarde et apparemment le public l'a écouté. Dommage. C'est en tout cas en 80... Il l'a cherché. Il l'a cherché, voilà. Donc c'est en tout cas en 85 qu'il tourne son film, disons, le plus atypique. Hein. Considéré à tort comme un nanar de la pire espèce, Diesel ne manque en réalité pas d'éclat. Ce long métrage explore d'abord un genre quasi ignoré au sein des productions hexagonales, celui du conte post-apocalyptique, cherchant à surfer ouvertement sur le succès de la saga Mad Max. Hein, le premier volet date de 79, le second de 81. La productrice Vera Belmont enrôle ainsi Robert Kramer, cinéaste d'origine américaine, à qui l'on doit quelques films qui mériteraient eux aussi leur place dans un futur Kiki l'a vu, Ice, Route 1 USA et Contre l'oubli. Voilà, donc personne ne les a vus. Kramer donc a été choisi pour mettre en scène cette histoire dans la droite lignée des métrages signés George Miller, d'après un scénario de Serge Leroy, réalisateur d'œuvres cultes comme La Traque, Légitime Violence, L'Indique, ici accompagné de Richard Morgiev, un scénariste et auteur de nombreux romans souvent policiers, autant dire un sacré mélange. Mais l'éclectisme de cette vaste entreprise ne s'arrête pas là. Diesel réunit, osons l'affirmer, ce qui se fait de mieux dans le cinéma et le théâtre français, tout du moins une partie, en ce temps-là. D'un côté, Richard Bohringer et Agnès Soral, actrice génialissime dont le nom a malheureusement été entaché par son taré de frère. Et de l'autre, Roland Blanche, Nils Aristrup, qui aura donc galéré de longues années aux yeux du grand public avant le triomphe d'Un Prophète, et Laurent Terzieff. Enfin, au centre, donc, Gérard Klein, détenteur du rôle-titre, cheveux au vent, longs jusqu'aux épaules, la parole facile, quoique un peu trop étant donné la longueur de la plupart de ses tirages. Et le jeu léger. Alors, in fine, on assiste à un spectacle étrange et sans comparaison aucune. Des comédiens littéralement livrés à eux-mêmes, une ambiance punk on ne peut plus caricaturale et des effets spéciaux d'une autre époque. Malgré tout, aussi étonnant que cela puisse paraître, on finit par se laisser peu à peu embarquer, peut-être en raison de sa mise en scène à ce point bordélique que cela en devient hypnotisant et fascinant, ou de ce plaisir extrêmement communicatif que semble avoir pris chacun des protagonistes dans l'aboutissement de cette folle aventure, si rare que l'on se doit de la déguster. Alors, tu as piqué la pantoufle dans la gueule de Non, c'était assez positif, hein, quand même, globalement. Il faut savoir que Gérard Klein, avant d'être comédien, il était animateur radio. Et il animait une émission qui s'appelait Les Routiers sans Sympa. Ah, donc, jouer dans Diesel. Voilà, donc il y a un lien, c'est assez logique. D'accord. Mais attendez, c'est vrai ou il y a un jeu de mots? C'est vrai? Il était vraiment. Mais quand il faisait de la radio, il voulait qu'on l'écoute ou pas? Non, mais il tournait le dos au micro. Non, mais les tournages de l'Instit, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, c'est exceptionnel, mais c'est horrible. Je sais pas si tu nous as donné envie de regarder ça, mais pas de jouer avec Gérard Klein. Vraiment, moi, je crois qu'il joue plus. Joue plus. Malheureusement, non, enfin, malheureusement. C'est fini. Merci, voilà. Gilles.